Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et comme à l'habitude avec moi pour animer ce merveilleux petit programme, j'ai mon ami Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon cher. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben, ça va très bien. Marc, on va commencer. Il y a eu une grosse nouvelle dans le monde de l'automobile qui est arrivée hier soir. On enregistre vendredi matin cette semaine. Tesla a décidé de présenter sa Tesla Model 3, la voiture que, bon, je pense à peu près tout le monde, leur mère et leur chien attendaient depuis quand même un bout de temps, là. Ça a quand même fait assez de bruit dans l'univers automobile. C'est la voiture électrique qui pourrait peut-être faire une grosse marque dans le monde de l'automobile comme on le connaît un peu. Donc, ça a été présenté hier soir en Californie. Moi, personnellement, je faisais dodo. J'imagine que toi aussi. J'ai lu ça un peu ce matin. Donc, on va aller un petit peu avec ce qui a été présenté. On va en parler plus la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va avoir Martin Archambault de l'AVEC qui va venir nous en parler aussi, puis peut-être d'autres nouvelles dans le monde de l'automobile. Mais quand même, c'est une grosse nouvelle. Faut en parler parce que tout le monde en parle aussi. Là, fait qu'on n'a pas tellement le choix d'aborder le sujet. Marc, visuellement, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai un petit peu de la misère avec l'avant, mais c'est une voiture de pré-production. Ça va changer. C'est pas exactement ça qu'on va avoir. Tu penses quoi du design en tant que tel? Écoute, avant de parler du design, là, je vais tout de suite régler le cas et pas me faire d'amis, Bon. à commencer par toi. Hein? Non, je vais être On ton ami. peut-tu J'ai vu pire, Marc. Je suis capable d'être ton ami malgré des choses que tu peux dire, quand même. arrêter de dire que Tesla est en train de révolutionner le monde? Ils sont un an en retard. On va arrêter, là. On nous présente une voiture, un modèle 3, qu'on va vendre possiblement 35 000 US, mais on ne connaît pas le prix des options. On ne sait pas ce qui est inclus, on ne sait pas exactement comment ça va marcher, on n'est pas tout à fait sûr de l'autonomie, mais on la sort à la fin de 2017, selon peut-être fin de 2017, parce que même Elon Musk a dit, en tout cas, je l'espère, il a fini sa conférence de presse hier comme ça. Tout ça, un an après que Chevrolet ait sorti une Chevrolet Bolt qui va sortir à l'automne 2016, qui fait exactement la même chose pour exactement le même prix. Fait qu'on peut-tu arrêter de dire qu'on va révolutionner le monde avec une Tesla? Tu sais, le concept Tesla, je m'excuse, là, à part d'être une magnifique opération marketing, le reste, c'est du vide, c'est du vent. Puis il y a 115 000 personnes qui ont mis 1 000 piastres pour réserver une voiture en n'ayant aucune idée de ce qu'ils ont acheté. Si le ridicule tuait, il y aurait probablement 100 000 personnes de moins sur la Terre aujourd'hui. Ça n'a aucun bon sens. C'est complètement ridicule de se plier à ça. C'est aussi brillant que d'aller planter une tente pendant 3 jours pour avoir un nouveau Apple en sachant que de toute façon, dans 2 semaines, tout le monde va l'avoir. Ouais, c'est Ça n'a aucun sens. L'idée, écoute, puis attention là, je vais préciser les choses. Je ne suis pas contre les voitures électriques, loin de là. Je pense qu'on en a besoin. Je pense que technologiquement, on va arriver avec des voitures de 300-350 km d'autonomie et c'est parfait. Mais on va arrêter de dire que Tesla est en train de réinventer la roue, là. C'est pas Henry Ford, c'est un marketeur, c'est un gars qui fait de l'argent sur notre dos. Et sa technologie, ce qu'il nous a présenté hier, là, si n'importe quelle compagnie au monde avait présenté la même chose dans un salon de l'auto, il n'y a pas un chrétien qui aurait été prêt à mettre 10 $ pour aller faire une réservation. Mais parce que c'est Tesla, il y en a 115 000 qui sont allés le faire au monde. Ouais, faut dire Tesla, c'est le Apple du monde de l'automobile. Ah, c'est même C'est pire que ça. C'est devenu une religion. Je le ben, ouais. sais, là. Je vais recevoir des menaces de mort parce que je parle contre Tesla, là. Tu sais. Ça reste, c'est une compagnie. Faut un peu peut-être mentionner que c'est peut-être à cause de Tesla que Chevrolet a sorti la Bolt à ce temps-ci. Parce que si Tesla avait pas poussé un peu les choses, probablement que ça aurait traîné peut-être un peu plus. Mais on le sait pas. Je On peux-tu me vit. permettre d'avoir un très sérieux doute? Tu Parce peux. que j'ai pas l'impression, moi, que n'importe qui, que Chevrolet ou les autres, ont la moindre intention. T'sais, ça, écoute, une Bolt, là, ça se développe pas en 6 mois, OK? Non, On va se dire les vraies affaires. c'est assez long. Puis, tu sais, la Leaf, puis les autres voitures électriques, sont sorties bien avant que Tesla arrive dans le monde, là. Puis, dis-toi, tu sais, on va se dire les vraies affaires. Tesla, c'est bien le fun, là, mais si demain matin, ils ont 50 000 commandes pour la Model 3, là, sont dans chenoute jusqu'au cou, là, parce qu'ils sont pas capables de les produire, puis qu'ils n'ont pas les moyens, puis que leur usine de batterie au Nevada est pas encore complétée, là. Bon, Fait, oui, c'est clair. puis elle n'est pas encore complétée avec l'argent des autres, parce que c'est pas Tesla qui paye. Ils sont allés chercher des subventions, puis ils sont allés chercher l'argent de Samsung pour monter leur usine de batterie. Fait que, tu sais, Moi, j'ai beaucoup de misère avec toute cette opération marketing-là qui, à moyen terme, va faire plus mal aux voitures électriques qu'elle ne va les aider. Peut-être. Parce que si Tesla n'est pas capable de livrer la marchandise comme prévu, et si ils font avec la Model 3 comme ils ont fait avec la Model X, c'est-à-dire qu'ils l'annoncent à une date, mais que ça prend 3 ans avant de la sortir, puis que quand ils la sortent, elle n'est plus 35 000, elle est rendue 70 000 parce que les options ont doublé, parce que le taux de change a augmenté, bien, ça va juste ruiner la perception des gens qui ont moins de sous, qui avaient envie d'avoir une voiture électrique. Alors, au contraire, moi, ce que Tesla a fait, je trouve ça excessivement dangereux. Je trouve qu'on est loin de la réalité. On est en train de littéralement déifier un gars comme Elon Musk, alors que ce qu'il fait finalement, c'est strictement du marketing et qu'il existe déjà, et j'insiste là, tu sais, Tesla, ce qu'ils nous ont montré hier, c'est un Model 3, bien cute, là, mais dans le fond, c'est une Model S réduite. À On n'a peu pas près. vu plus de détails à l'intérieur parce qu'on a vu une petite image de caméra nous montrant l'espèce de grand tableau de bord avec le iPad surdimensionné, exactement comme dans Model S. On s'entend pour dire qu'on n'a rien réinventé là-dessus. On n'a donné aucune considération technique. Ça va faire 340 km d'autonomie, dit-on. Mais on ne sait pas avec quel genre de batterie, puis on ne sait pas quel genre de mécanique va y avoir en dessous, parce que ça, ils ne l'ont pas dit, par exemple. Ouais, c'est ça. On s'attend qu'elle va être disponible dans différents, un peu comme la S, là, tu vas avoir une version all-wheel drive, tu vas avoir une version avec différentes batteries, fait que probablement des peut-être, je sais pas, 70, 80, 90 kWh, puis là, on va se ramasser avec des accélérations différentes, des autonomies différentes. Bon, on parlait de 200 000 d'autonomie, donc 320 km. Là, on parle de minimum 215 encore selon Elon Musk, là. Donc, on tombe à presque 350 km d'autonomie, 346. Encore là, on va le savoir quand la voiture va être sortie. Un 0 à 100 en 6 secondes, bon, encore là. Ils disent qu'on va avoir de la place pour asseoir 5 adultes confortablement, ce qui serait intéressant quand même, que les superchargers seraient inclus dans l'achat de l'auto, ce qui est une option présentement pour les acheteurs de Tesla Model S. Non, attends, c'est pas ça qu'il a dit là. Ce qu'il a dit, c'est que toutes les options, y compris les superchargers, seraient avec la voiture, OK, ouais, ben pas mais qu'elles ne l'abonnement. seraient pas nécessairement activées et qu'on ne connaît pas le coût. Non, OK, c'est ça. Ben. L'option de supercharger va être inclue, mais l'abonnement ne le sera peut-être pas. Donc, Exactement. Comme le autopilote va être inclus. ouais. Mais on ne sait pas à quel combien ça va coûter pour l'activer. Alors, moi, c'est ça, là. C'est pour ça que je te dis que j'ai un peu de misère, pas un peu, beaucoup de misère avec Tesla. Visiblement. Je trouve ça inconcevable que l'on se laisse embarquer là-dedans. Et je reviens, puis tu sais, je ne suis pas nécessairement un fan de Chevrolet plus que d'autres compagnies, là. Mais il faut donner à Chevrolet ce qui leur revient. Au mois de janvier, ils ont amené des gens au CES, au Consumer Electronic Show, pour aller essayer le Chevrolet Bolt, là. On Ouais. parle pas de quelque chose qui a été dévoilé en dessous d'une toile sur un stage quelque part puis qui a été diffusé dans le monde par Internet, là. On parle de gens qui sont allés asseoir leur foufoune dans un char puis qui l'ont conduit. Toi-même, tu t'es assis dans la Bolt à Québec. Bien sûr. T'es capable de Bon. me dire de quoi elle a l'air en dedans? Oh ouais, c'est une très belle voiture. Pe Mais tu sais, peut-être moi, pas. Ou... en fait, c'est pas la beauté ou pas de la voiture. Le principe, c'est que Chevrolet nous dit, regardez, notre char, il existe, vous pouvez y toucher, vous pouvez le mordre si vous voulez, c'est votre problème, mais il est là. Tesla nous dit, écoutez, voici ce qu'on vous propose. Et ça va tellement loin que Elon Musk lui-même a tweeté la veille du dévoilement en disant, écoutez, ça va être la première présentation, mais il y aura une phase 2 qui va être plus proche de la production. Fait que ça veut dire que ce qu'ils nous ont montré, ça correspond exactement à tous les prototypes que tous les manufacturiers présentent dans les salons de l'auto et pour lesquels, je répète, toi le premier, tu irais pas mettre 50 cents pour réserver d'avance. Ouais, je mettrais pas 1 000 piastres sans savoir exactement ce que je vais avoir au bout de la ligne puis combien je vais payer. Donc, je suis pas un de ces 115 000 là, si c'est la question que tu te posais. Non, je savais que tu n'étais pas là, mais ce que je veux dire, c'est que ils ont juste pris exactement la même procédure que tous les autres manufacturiers, Ouais. c'est-à-dire qu'ils nous ont présenté un prototype pas fini, dont on ne connaît absolument pas les conditions technologiques, Ouais. mais ils en ont fait un gros show. Ouais. Je te dis, c'est l'équivalent d'Apple, en fait. Oh oui, Littéralement, c'est c'est ça. l'équivalent Il y a d'Apple. même du monde qui faisait la ligne pour attendre. C'est comme Apple. Écoute, c'est complètement fou. Ouais. Fait que, en tout cas, bref, c'était ma montée de lait du matin. Alors oui, elle est jolie, rien d'exceptionnel, mais je vais attendre de m'asseoir dedans avec une clé pour être en mesure de faire plus de commentaires. Ouais, moi aussi, je vais attendre de la voir. Puis si ça m'intéresse un coup qu'elle soit sortie, peut-être je n'achèterai une, mais pour l'instant, je garde mon argent pour peut-être une Bolt, peut-être d'autres choses. Peut-être la prochaine Leaf, d'après moi, Nissan va nous surprendre avec la prochaine Leaf aussi, donc on verra. Donc, c'est ça, Marc, on va faire une pause. On va revenir. On a deux essais cette semaine. Tu vas faire le Mercedes Classe G. Puis moi, je vais essayer le Hyundai Tucson. Donc, on revient avec ça un peu plus tard dans l'émission. Puis on va avec le test de la Mercedes Classe G de Marc après la pause. Alors, nous sommes de retour. Puis là, Marc, ben pour prouver que tu es un détesteur de voitures électriques. Non, non, c'est pas vrai. T'as des réserves, je te comprends. Je suis pas nécessairement un fanboy non plus. Je suis pas un fanboy d'Apple, je suis pas un fanboy de Tesla. Donc, moi, j'attends de voir du concret avant de mettre de l'argent. Puis 1 000 $, c'est de l'argent, là. Je peux prendre ce 1 000 $-là puis faire d'autres choses avec, genre me payer un REER si je veux pour ma retraite plus tard. Quand que la Tesla arrivera, puis qu'il y en aura de disponible, ben là, je regarderai ça. Puis honnêtement, je m'excuse, 1 000 $, c'est pas pire. Mais calcule que c'est minimum 35 000 $ US. Ouais. Fais juste une conversion. C'est pas le cas, ça va être plus cher que ça, mais fais juste une conversion. Tu arrives avec un char à 46 000 $. Est-ce que tu connais tant de monde que ça qui ont les moyens de se payer une voiture de 46 000 $ puis de la réserver 18 mois d'avance? Ben, à part toi, non, j'en connais pas d'autres. Et si bon, m'a dit, tu connais pas mon banquier, toi. En tout Bon, cas. mais c'est ça. Donc, on va voir. C'est sûr il y a les incitatifs aux États-Unis. En Ontario, c'est rendu 10 000 $. C'est plus intéressant qu'au Québec encore. Nous autres, c'est 5 500, 8 000. Mais 8 000, bon, tu mais sais, même à 8 000 $, 46 000, ça fait toujours bien un char de 38 000 $, là. ouais, c'est ça. Il y a Tu beaucoup de sais, monde qui magasine ça. et dis-toi que la valeur moyenne d'une transaction d'automobile neuve au Canada, elle est de 29 000 $. Ouais. Fait que tu sais, là, on est rendu dans le top. Oh oui, tu vas me dire qu'on ne paye pas l'électricité le même prix que le carburant, puis que ça va coûter moins cher. Puis c'est vrai, là, tout ça, c'est vrai. Et je vais corriger ce que tu dis, je ne suis pas contre les voitures électriques. Je le Au sais. contraire. J'aime beaucoup les voitures électriques. Je considère qu'elles sont importantes dans notre société, qu'on en a besoin. Ce que je dis cependant, c'est que la façon de faire de Tesla est, à mon sens, une nuisance au développement de la voiture électrique. C'est quelqu'un qui va faire perdre confiance aux gens en la voiture électrique. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Alors qu'il existe des produits concrets. On parlait de la Leaf à 160, 170 km. C'est pas amplement suffisant, mais pour une deuxième voiture, c'est intéressant. On parlait de la Bolt qui nous propose 320 km. Non, on sait pas plus le prix canadien de la Bolt. Mais Marc, on ne sait pas plus le prix canadien de la Tesla, là. Mais on sait que la Bolt va arriver cet automne. Tu sais, alors, il y a un côté concret. Alors que Tesla, on pèle des nuages, on pèle des nuages, on pèle des nuages, puis on arrive avec plusieurs années. Tu sais, le modèle X, là, il y a des gens qui avaient mis de l'argent, il y a des gens qui avaient fait un dépôt. Non, Et quand ils ont vu le prix, ont décidé d'abandonner parce qu'on passe de 120 à 170 000. oh oui, ça commence à être cher, là. T'sais, t'as beau dire que t'aimes l'auto puis que t'aimes l'auto électrique, à un moment donné, je veux dire, j'hypothéquerai pas ma maison pour aller m'acheter un char électrique, là. Ouais. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. On va voir les prix. On va voir si le Tesla va arriver dans l'échéancier qu'ils ont dit. Puis après ça, on pourra faire une idée concrète de ce que ça va être, là. Tesla, c'est sûr que c'est une belle idée. Comme je disais, c'est comme le Apple de l'automobile. Donc, des belles idées, des choses qui peuvent arriver. Mais tu sais, si ça arrive pas comme c'est supposé, oui, ça pourrait enlever de la crédibilité ou même nuire peut-être au développement de la voiture électrique. Mais s'ils réussissent leur coup, ça pourrait aider aussi. Mais bon, j'ai pas commencé à parler de char électrique pour qu'on parle de char électrique. J'étais un peu ironique en disant, parce que là, on parlait d'auto électrique, puis là, tu vas nous parler de quelque chose aux antipodes total, le Mercedes Classe G. Oui, écoute, et ça, c'est clairement là, je m'en excuse d'avance pour tous les protecteurs de l'environnement du monde. C'est vraiment le genre de véhicule qui est complètement à l'envers de l'environnement. Écoute, il a été nommé aux États-Unis comme étant le véhicule étant le moins éco-friendly, le moins environnemental. C'est très clair, là. On s'entend, c'est pas fait pour ça. Ça n'a aucune prétention environnementale. Écoute, Mercedes nous annonce une consommation de 19 litres au 100 en ville et de 16,5 litres au 100 sur autoroute avec la version de base, la G550, qui est celle que j'ai. OK. Mais écoute, c'est version de base, là, on va aussi respirer par le nez encore une fois. Ça C'est peut être quand un peu même. moins si ça consomme tant que ça. Écoute, c'est un V8 de 4 litres, Ouais. turbo, 416 chevaux, 450 livres-pieds de couple. OK. Et cette affaire-là, c'est gigantesque. OK? Oh, ouais. gigantesque, là, c'est 4,7 mètres de longueur, c'est 2 mètres de largeur, presque 2 mètres de hauteur. C'est complètement fou, ça paye 5 700 livres. C'est un gros tracteur. Mais un gros tracteur que j'aime du plus profond de mon cœur. OK? Et ça, c'est clairement mon côté petit gars qui sort. Ça n'a rien à voir avec le côté rationnel. Ça n'a rien à voir avec la logique. Je suis un petit garçon assis à genoux dans un carré de sable qui joue avec son gros truck et qui a un plaisir fou. Écoute, le Classe G, là, si vous le replacez pas, pensez aux Mercedes militaires que vous avez déjà vus. Vous savez, ces espèces de Jeep carrés qui arborent l'étoile Mercedes en avant, ben c'est exactement ça, un Classe G. C'est fait comme ça. C'est un véhicule qui n'a pas changé littéralement depuis 1979. Ouais, OK? le look est pareil, là. Le look est... Oui, on a modifié des affaires, on a Oh, modernisé ouais, des mais. affaires, on a changé les phares avant, mais dans les faits, ça continue d'être une boîte carrée, extrêmement carrée d'ailleurs, là. Je connais pas beaucoup d'autres véhicules qui sont plus carrés que ça. Écoute, c'est hallucinant. Depuis 1979, imagine, on a gardé le même châssis, la même direction et la même suspension. Ouais, OK. OK, écoute, ça n'a pas de bon sens, là. Et malgré tout ça, ben on en vend. Écoute, en 2015, on en a vendu 20% de plus que l'année d'avant. Ouais, le prix du gaz est bas, hein. Oui, mais écoute, c'est sûr que on dit qu'on en vend, c'est relatif, là. On en vend peut-être une centaine au Canada par année maximum, là. Ouais. On est loin d'être dans une voiture de volume, là. C'est incroyable, mais c'est quand même un véhicule complètement fou. Et si jamais le G5 550 ne faisait pas ton affaire parce que, tu sais, toi, tu fais jamais les affaires à moitié, Ben non. mais tu peux te tourner vers un G63 qui est quand même intéressant et on va même plus loin. Tu es rendu avec un G65. Alors, le G63, c'est un V8 de 536 chevaux, mais le G65, V12 biturbo de 621 chevaux. Imagine, tu as un véhicule qui fait 5 700 livres et qui fait le 0 à 100 en 5,3 secondes. Ça doit être quand même assez rapide pour la grosseur que ça a. J'espère que ça freine bien aussi. Oui, Parce que. vite fait, là, et juste pour lancer une pointe, c'est plus vite qu'une Tesla Model 3. Bon. Bon, les coûts cheap. Les coûts Ouais, non, volent là, pas. c'était. Là, mais sauf qu'on ne parle pas du même prix non plus. Non, non, non, non, non. Quand on arrive avec le G65 AMG, on parle d'à peu près 230 000 $. OK. Fait que là, c'est sûr que c'est le genre d'affaires qu'on ne voit jamais, qu'on ne conduit jamais. Ceci étant dit, c'est un véhicule qui est. Écoute, je n'ai pas trouvé la limite. Pour être franc avec toi, celui qu'on a cette année, on a un petit peu modifié l'intérieur. On a un petit peu changé. On a mis l'espèce d'écran au milieu de la planche de bord, comme on le fait sur toutes les Mercedes maintenant. On a vraiment un intérieur. Écoute, c'est un intérieur de Mercedes, là, avec la qualité de finition que ça implique, avec la qualité de cuir que ça implique. Évidemment, compte tenu des dimensions, où il y a pas mal d'espace à l'intérieur. Il y a les sièges, ça c'est très cool. Bien sûr, le siège, tu peux le régler électriquement comme ça se fait régulièrement, mais tu peux aussi, tu as des trucs pneumatiques qui te permettent de gonfler les ailettes ou pas, de gonfler ou pas le support lombaire. Bref, tu peux ajuster dans à peu près tous les sens les sièges de ce véhicule-là, ce qui est assez exceptionnel. L'autre affaire qui est vraiment exceptionnelle, et ça, honnêtement, c'est incroyable, c'est qu'on peut littéralement verrouiller chaque roue individuellement de façon à être capable de se lancer à l'assaut de n'importe quel type de surface. Évidemment, moi, cette semaine, j'ai pas eu l'occasion de me lancer trop dans la boîte, là. Je voulais pas non plus, c'est quand même un véhicule de 125 000 $, hein. Ouais, Fait c'est que... ça. Puis non, c'est probablement des véhicules qui verront probablement, à part dans les pubs de Mercedes, jamais le hors-route. Oui, mais en même temps, moi, si j'en avais un, et ça fait des années que je dis à ma femme, un jour, si je gagne le million, c'est ça que je vais m'acheter, là. Si j'en avais un, ce serait vraiment pour aller me promener dans la boîte. Écoute, on l'avait essayé il y a quelques années, il y a 2 ans. On était allé en Europe pour tester ça. On l'a promené dans des conditions complètement folles. Tu peux aller littéralement dans 90 cm d'eau. Et 90 cm, ça commence à être épais d'eau, là. Ça fait un pas pire nid de poule, je te dirais, là. Ouais, Montréal en a probablement des pires que ça, mais c'est quand même pas si pire, ouais. Ouais, mais rendu plus bas que ça, d'après moi, tu perds le camion complet. Écoute, tu as des différentiels que tu peux verrouiller dans toutes les positions ou à peu près. Tu peux t'en sortir dans à peu près n'importe quelle situation. C'est puissant, c'est fort, ça fait vraiment un travail absolument exceptionnel. On avait eu aussi l'occasion de tester ce qu'ils avaient appelé le Iron Shuckle. Le Iron Shuckle, c'est une espèce de montagne, ça a l'air d'une montagne russe, littéralement. C'est en acier, ça a été construit pour le test du clergé. Et ça monte à 75 %. C'est une pente de 75 %. OK. Pas si tu sais, là, ça commence à être assez épeurant. Commence à être raide, ouais. Quand tu montes, évidemment, c'est pas nous qui conduisons là, pour des raisons de sécurité, mais on l'avait fait et en montant, tu ne vois absolument rien. Tout ce que tu vois, c'est le ciel. Tu te dis, on va partir par en arrière, ça n'a aucun sens. Et le véhicule monte jusqu'en haut et rendu en haut, il balance vers le bas, si tu veux. Et là, il part par en bas. Et en plein milieu, notre pilote a arrêté, tout simplement. Il a freiné puis il nous a arrêté là. Puis il a dit débarque, tu marches pour le restant du chemin, non? Non, mais OK. écoute, on est à côté, là. C'est ma ceinture de sécurité qui me retient. Parce que je ne suis pas capable de me retenir dans le fond du siège. OK. Et on est arrêté là. Et il lâche le frein et on descend doucement jusqu'en bas, sans aucune difficulté. Alors, honnêtement, je n'ai pas trouvé la limite physique de ce véhicule-là. Ce qui est assez exceptionnel, je dois le dire. Ça doit être fait de base pour l'armée, j'imagine, puis c'est un véhicule qu'ils ont envoyé vers le grand public par après, un peu comme Oui, les Hummers. mais ça demeure un véhicule de luxe, hein. Tu as Oh oui. là-dedans tous les équipements nécessaires. Tu as aussi tous les équipements électroniques embarqués que l'on connaît à Mercedes, c'est-à-dire le régulateur de vitesse intelligent que tu peux déterminer. Et ça, c'est bien. Tu vois la distance en mètres. Donc, tu peux choisir, mettons que tu roules 100 km/h, tu peux choisir la distance minimale que tu veux entre toi et la voiture en avant et tu la vois en mètres. Alors, ça te permet de faire ça. Alors, honnêtement, je te dis, c'est sûr que c'est gros, c'est sûr que la direction est lourde, ça sautille partout, c'est vraiment un truck. C'est Ouais. pas un utilitaire sport multi-segment cute pour la ville, là. On parle vraiment d'un truck, d'un Un autobus camion qui. scolaire. Ouais, quasiment, mais c'est un camion qui date de 30 ans. Ouais. Et malgré ça demeure un véhicule qui, moi, me fascine absolument. Et qui est équipé comme une Mercedes, qui est équipé avec un bon système de son, système de navigation. Tu sais, tu as vraiment la totale du luxe et la totale de la capacité en route. Mais évidemment, quand tu regardes le prix, tu as aussi le total de la facture. Et comme je te disais, ben, ton pompiste devient ton plus grand admirateur, là, parce que à 19 litres au 100, en étant gentil quand tu fais de la ville, évidemment, tu es conscient avec moi, si tu vas en route, ça va augmenter encore un peu. Oh Alors, ouais. c'est pas le genre. Mais écoute, je l'ai une semaine, là. Et pendant une semaine, je me promène avec un grand sourire d'en face. Est-ce que j'aurais ça en permanence? Je suis pas sûr, sérieusement. Mais pendant une semaine, je me promène avec un grand sourire d'en face et ma femme me dit que j'ai l'air d'un petit gars. Ce qui est une bonne nouvelle quand tu as 50 ans et plus. Ouais, tu sais, au bout d'une couple de mois avec ton clergé, peut-être en recevant les comptes de carte de crédit d'essence, peut-être que ton sourire s'estomperait tranquillement. Effectivement, tu as bien raison, mon C'est parce cher. que tu disais que ton pompiste te connaissait par ton prénom. Là, il connaît ton numéro de carte de crédit par cœur. Ça commence à être dangereux. Ouais, en fait, d'après moi, il va même m'inviter à son party de Noël. T'as payé les études de ses enfants. Exactement. C'est bon, Marc. Ben écoute, on va faire une petite pause, puis à ton tour, au retour, mon cher, de nous parler de ta voiture d'essai. Alors, bonjour, bienvenue de retour à Ça roule Radio. On espère que vous avez apprécié mes petites montées de lait jusqu'à maintenant. Écoute, Luc, moi, j'ai parlé longuement de la voiture qui m'a fait pas me retourner en enfance, un peu comme un kid avec son Tonka. Mais toi, t'as essayé quelque chose d'un peu moins extrême, le Hyundai Tucson. Oui, Hyundai Tucson 2016, c'est sûr que c'est moins extrême, mais c'est pas un véhicule que je rêvais à quand j'étais jeune, parce que ce véhicule-là, ben, il n'existait pas dans ce temps-là, premièrement. Donc, Hyundai Tucson T'es 2016, pas en moi. train de dire que je suis vieux, Non, non, non, mais le là. Tucson n'est pas si vieux que ça non plus, quand même. Ça fait pas si tant d'années que ça qu'il existe. Hyundai Tucson 2016, moi, la version que j'ai eue, c'est la version avec le moteur 2 litres et la transmission 6 vitesses automatique. Il y a une version avec un moteur 1.6 turbo compressé et lui, il est relié à une boîte à double embrayage à 7 rapports. Donc, la version avec le 1.6 a une transmission un peu plus récente et un peu plus peut-être plus performante là, côté consommation d'essence, mais quand même. Donc, ça, deux moteurs. Si on regarde le 4 cylindres que j'ai eu, c'est un moteur qui développe 164 chevaux et 151 livres-pieds de couple. Si on va avec le moteur 1.6, c'est 175 chevaux, 195 livres-pieds de couple. Ouais, Pourquoi je... ça, c'est celui que nous, on a eu, je dois te le dire, là. On a eu le Tucson chez Netmedia pour l'hiver, la bonne partie de l'hiver. Donc, on l'a eu en décembre et on le ramène la semaine prochaine. Et ça, c'est la version qu'on avait, nous, le 1.6 Turbo. C'est ça. C'est pourquoi je commence par la motorisation, parce qu'à mon avis, puis Marc, on en parlait un peu avant de commencer, avant de revenir de la pause, c'est que c'est probablement le problème principal du Tucson, c'est sa motorisation. C'est pas que c'est pas bon, c'est que ça manque de punch un peu. Je trouve que aussitôt que c'est plein, tu sais, ça demeure un utilitaire sport. Aussitôt que tu le remplis un peu trop, tu as l'impression qu'il souffre en accélération, peu importe la motorisation que tu as choisie, là. Ouais, c'est ça. Parce que c'est une voiture qui est quand même assez sobre côté consommation, là. Moi, j'ai fini ma semaine à 8,9 litres au 100 km, ce qui est quand même bien pour une voiture de cette taille-là. Mais aussitôt qu'on demande un petit peu d'accélération sur l'autoroute, vous voulez faire un dépassement, vous voulez entrer sur l'autoroute, vous voulez accélérer, ça manque un peu de punch. C'est sûr que c'est pas une voiture sport, là. On s'attend à ce que, bon, c'est un VUS, c'est supposé être quand même un peu moins rapide qu'une voiture sport, mais il y a quand même une certaine accélération que j'aimerais avoir là, pour embarquer sur l'autoroute sécuritairement ou faire un dépassement. J'ai trouvé que c'était un peu difficile. Puis si on sollicite le moteur, là, vous pouvez consommer 12-13 litres au 100 km assez facilement. Donc, il faut rouler quand même tranquille là, ou t'sais, convenablement pour être capable d'avoir une moyenne en bas de 9,5, peut-être 10 litres au 100 km. J'ai réussi à faire ça, puis je suis quand même beaucoup dans le trafic dans mes promenages journaliers, là. Donc, c'est quand même pas si pire. À part la motorisation, je dirais que le reste, j'ai pas vraiment de côté négatif à dire la voiture. L'intérieur est bien fini. On s'entend, là, les voitures coréennes qu'on a chez Kia, qu'on a chez Hyundai dernièrement, la finition intérieure est quand même très bien. J'avais des sièges en cuir. Les cuirs sont de bonne qualité. C'est joli. La planche de bord est jolie. J'avais un toit panoramique. Même c'est drôle parce que c'est rare que j'ai l'occasion d'avoir des gens autre que ma conjointe puis mon fils dans les voitures de presse. Puis j'ai pris le Tucson, tranche de vie, j'ai pris le Tucson pour aller à Cabane à sucre la fin de semaine passée. Donc, on est descendu chez mon père à Mirabel. Mon père, lui, il s'est acheté récemment une Subaru Legacy qu'il adore, qui a gagné voiture de l'année de la JAC l'année passée. Donc, il l'adore et tout ça. Mais j'ai dit, garde, laisse ton auto à la maison. De toute façon, à Cabane à sucre, là, c'est toujours plein. On va prendre une voiture, on va y aller ensemble. Donc, j'ai embarqué mon père et sa conjointe, puis on est parti à Cabane à sucre. Tout le monde a été vraiment impressionné par l'intérieur de la voiture, la finition, le toit panoramique. A beaucoup de commentaires positifs, comment c'est beau, comment c'est clair, comment ça donne un look un peu plus haut de gamme à l'auto. Puis la finition intérieure est belle aussi. Moi, j'avais une version rouge Bourgogne avec l'intérieur beige. J'avoue que c'était très joli. Mais aussi avec, là, on était quatre adultes, puis un enfant dans l'auto. Personne s'est plaint que c'était serré, qu'il n'était pas confortable et tout ça. Donc, tu sais, côté logabilité, mettre du monde dans l'auto, c'était très confortable. Mais l'auto était pleine, donc, tu sais, le côté motorisation puis accélération, c'était encore un petit peu moins jojo que quand je suis tout seul dedans. On voyait que ça y demandait un peu plus de force là, pour être capable d'accélérer. Mais des petits chemins de campagne, c'est quand même moins pire que quand on est sur l'autoroute. Bon, en fait, moi, ce que j'ai trouvé le plus dommage, j'ai essayé toutes les versions, là, je dois le dire, là, parce qu'on avait aussi le Luxury 2 litres, donc le moteur, le même moteur que toi. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est surtout en accélération, en dépassement, lors des reprises, par exemple. Quand tu embarques sur l'autoroute, que là, tu essaies de faire un coup vite, tu as l'impression que le moteur s'essouffle assez rapidement. Alors que, comme tu l'as mentionné, en chemin de campagne, ou si tu roules en ville, ou si tu t'en vas au chalet, c'est un véhicule qui va très, très bien faire le travail, là. Il n'y a aucun problème là-dessus, là. Non, c'est ça. Ça s'améliore un peu. Si on sollicite pas trop, si on n'a pas besoin d'avoir d'accélération plus fulgurante, là, vraiment, pour prendre une vitesse de croisière de 100 km/h et plus ou faire un dépassement de 100 à 120, c'est pas si pire. Sur les petites routes en ville, dans le trafic, ça se passe très bien, là. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est quand on a besoin de puissance là, pour faire quelque chose, il en manque un peu. Oui, effectivement. Et c'est ça, c'est le principal reproche que l'on peut lui faire. Pour le reste, tu l'as dit, moi, ça m'a beaucoup impressionné la qualité de finition à l'intérieur. Oui. Je dois dire que c'est un véhicule, tu t'attends pas à ça d'un petit utilitaire sport compact, surtout que les anciennes générations de Tucson avaient un peu leur faiblesse à ce niveau-là. J'ai donc trouvé que c'était très, très bien réussi. En tout cas, moi j'aime beaucoup, là. Oui, c'est ça, tu sais, volant ajustable, toutes les commandes au volant. Le système de divertissement de Hyundai, qui est un système Microsoft, là, on s'entend, avant, où Ford avait l'exclusivité de Microsoft, maintenant, Kia et Hyundai aussi ont des systèmes qui sont bâti par Microsoft. Je pense que c'est le Blue Link, ça s'appelle chez Hyundai. Oui. Chez Kia, c'est UVO. Mais c'est un système qui est complet. On a vraiment accès à tout. Moi, je pensais avoir accès à Android Auto. Je viens de me procurer un téléphone Android. Donc, moi, comme je branche mon téléphone dedans et ça me dit, ah, votre téléphone n'est pas compatible avec les fonctions multimédia. J'ai dit, ah, ben, trop tard. Mais c'est Mais pas grave. ça, attention là. Ouais, Ça, ouais. on va préciser tout de suite quelque chose. Ces systèmes-là, moi j'ai eu le CRV aussi pour l'hiver. Et quand je branchais mon téléphone avec un fil, parce que j'étais supposé être sur le Mirror Link ou je sais pas trop, là, Ouais. Android, on me disait que mon téléphone était trop ancien pour être compatible. J'ai un Samsung S6. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas ce que ça prend comme plus moderne que ça. Oui, il y a le S7 qui vient de sortir, mais on va respirer par le nez, là. Je trouve que c'est un peu exagéré. Alors, ces systèmes-là ne sont pas très adaptés encore et fonctionnent de façon très aléatoire, je te dirais. C'est ça, mais moi je me suis aperçu après ça que les systèmes de CarPlay, ben pas CarPlay, c'est pas encore disponible chez Hyundai, mais le Android Auto est juste dans les 2017. Donc Elantra et Santa Fe 2017 l'ont, mais mon véhicule l'avait pas en partant. Puis aussi pour Android Auto, faut installer l'application Android Auto sur le téléphone. Oui. Donc, j'avais pas installé ça non plus. Je me suis pris à la dernière minute, c'est de ma faute. J'ai eu le téléphone le vendredi, puis je ramenais l'auto le lundi. Fait que mon temps pour essayer ça était limité. Dans quelques semaines, je vais avoir d'autres véhicules Hyundai. Il y en a deux de ceux-là qui vont avoir le Android Auto. Je vais me gâter. Bon. Pour le reste, extérieur, c'est un véhicule qui est joli. Mais je trouve qu'à un moment donné, l'allure vient un peu générique, là. C'est que tout le monde s'en va. Tu sais, au début, c'était comme toutes les petites grilles de calandre. On essaie de rendre ça discret puis tout ça. Puis là, on a commencé à grossir ça pour redonner une allure un peu plus camion et moins auto aux VUS. À un moment donné, on dirait que tout le monde voulait que les VUS aient l'air des grosses autos hautes sur pattes. Puis là, on leur donne un look plus masculin. Fait qu'on grossit un peu, on grossit les calandres. Le meilleur Ah. exemple, c'est le Ford Escape, là. Mais on dirait qu'on s'en va tous vers la même espèce de grille hexagonale. Fait que du devant, là, à un moment donné, ça vient que ça se ressemble un petit peu toutes. Ouais. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé du tout ça, en revanche, à l'avant, c'est les blocs optiques, là, les Oui. phares qui sont vraiment amincis et qui s'étirent comme par les lignes de côté. Ça, j'ai trouvé que c'était fort bien réussi. Puis justement, ça vient un peu atténuer cet élément-là de grosse calandre massive, là. Ça vient comme s'étirer de chaque côté. J'avoue que ça, moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Mais c'est une voiture qui est très jolie. Même les anti-brouillard, les feux arrière, la ligne de toit, je veux dire, c'est une voiture qui est vraiment magnifique. C'est pas une voiture qui est pas belle. Je trouve juste que la calandre vient générique à un moment donné. C'est que ça se ressemble d'un constructeur à l'autre. Mais on essaie de faire, tu sais, quand même différent avec le reste. Oui, les phares sont extrêmement jolis. Tu sais, c'est un véhicule qui est confortable aussi sur la route. C'est sûr qu'on l'a pas. Vous autres, vous l'avez eu à long terme, fait que tu as peut-être eu plus l'occasion d'expérimenter différentes choses, t'sais. Mais moi, j'ai quand même été assez loin. C'est rare que je vais partir une fin de semaine, je vais monter dans le nord, moi qui reste dans l'ouest-ouest, presque en Ontario, partir puis descendre, t'sais, monter à Mirabel, puis aller dans les Laurentides, puis les petites routes de campagne. Je fais ça rarement. C'est un véhicule que j'ai pas regretté d'avoir cette fin de semaine-là. Je trouvais que ça a très bien été. Même quand on est arrivé à Cabanassuc, le stationnement était plein. Il y avait plus de place pour stationner. Puis là, je voyais le monde avec leur auto qui cherchait des places, puis là, qui virait de côté, puis essayait de trouver une place dans le gravel, puis tout ça. Puis sur le bord de la route, qui est vraiment pas la meilleure place pour te stationner, c'est une petite route de campagne, là. À moins que tu veuilles retrouver ton char dans le champ de blé d'Inde un peu plus loin parce qu'il y a une vanne qui l'a ramassé. Mais dans le stationnement qui était, bon, réservé pour la cabane à sucre, il y avait une place, mais il y avait encore une butte de neige, pas un mont Everest de neige, là. Si j'avais eu ton classe G, peut-être j'aurais monté sur le mont Everest de neige. Mais là, il y avait une petite butte de neige, un petit peu. Fait que j'ai décidé, j'ai dit, hey, j'ai un véhicule qui est quand même quatre roues motrices. Je m'en ai essayé. Fait que je l'ai passé, j'ai passé par-dessus, puis j'ai été capable d'aller me stationner un petit peu plus loin où ce que personne allait. Puis là, j'ai sorti en faisant mon frais un peu, en disant, ah, vous autres, avec vos autos, vous êtes stationnés sur le bord du chemin. Regardez-moi, je suis parfaitement sécuritaire là-bas. Ça s'est Oui. super bien passé, c'était confortable. Il faut dire aussi que le système, le rouage intégral du Tucson est quand même surprenant. Oui. Comme je te dis, nous, on l'a eu cet hiver et bon, on n'a pas eu des conditions nécessairement super faciles tout le temps, mais il s'en est toujours bien tiré, il n'y a pas de problème. Évidemment, là, ce n'est pas quelque chose qui va t'amener hors route dans trois pieds de boîte, là, Non, non, non, non. mais qui est parfaitement capable d'être, je dirais, assez efficace dans toutes ses considérations. Et honnêtement, peu importe les conditions, il a été très, très agréable à conduire tout au long de l'hiver. Ouais, moi je l'ai bien aimé. J'ai regretté un peu. Tu sais, je conduis un VUS à tous les jours. J'ai un Ford Escape 2010. Ça commence à être vieux un peu. Fait que j'aime ça, pouvoir avoir de nouveaux VUS, voir la nouvelle technologie, puis c'est le jour et la nuit avec ce qui se passait il y a quelques années, là. C'est confortable, c'est bien. Ça, la seule chose, motorisation. Pour le reste, j'ai vraiment pas grand-chose à dire contre ce véhicule-là. Intérieur bien fini, là, Et une longue liste d'accessoires. Moi, ce qui m'a. Tu Oh, oui, j'avais sais, pas tout dedans, là. quand on va chez Hyundai, en général, ils ont quand même une bonne liste d'accessoires. C'est une bonne chose d'ailleurs parce que si tu commences à aller dans les options, là, tu risques d'avoir des coûts un peu plus élevés. C'est pas pire. Tu peux te contenter de prendre la version milieu de gamme et tu vas avoir un véhicule qui est bien outillé, là. Ouais, quelque chose avec quatre roues motrices. La chose à retenir, c'est d'avoir peut-être le quatre roues motrices, la traction intégrale. Pour le reste, c'est du bonbon. Si on regarde les prix, justement, de base, ça commence à 24 399. Puis si on va vers le modèle le plus haut de gamme, là, avec vraiment la technologie, puis le moteur 1.6, là, de base, c'est le moteur 2 litres, on parle de 39 599. Donc, on frôle les 40 000 $. Donc, il y a un Tucson pour votre budget à quelque part là-dedans, là. C'est à vous de décider ce que vous voulez avoir, mais il y a un bleu chez Hyundai que je trouve vraiment magnifique. Le Tucson vient dans une espèce de bleu qui est vraiment beau. La seule chose dommage, c'est que l'intérieur beige est disponible juste dans quelques versions bien ben spécifiques, quelques couleurs extérieures bien ben spécifiques. Je trouve ça un peu dommage. Bleu et beige, ça aurait été super beau, mais il n'est pas disponible. Mais bon. Effectivement, c'est ça. On ne peut pas tout avoir dans la vie, mon cher. On peut pas avoir Mais le non. beurre et l'argent du beurre. Ouais, c'est ça. Écoute, on va faire une petite pause si tu permets et au retour, on va explorer un peu l'actualité automobile, puis je te promets qu'on ne parlera pas de Tesla. Parfait. Alors, nous sommes de retour. Marc, c'est l'heure de notre bloc nouvelle du monde de l'automobile. T'as quoi pour nous cette semaine, à part Tesla? Écoute, je suis obligé de commencer en te disant qu'on enregistre le 1er avril. Ouais. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qui sont sorties ce matin qui m'ont bien fait sourire et dont je voulais te parler. C'est évidemment des poissons d'avril. Au moment où vous écoutez ça, probablement que c'est passé depuis quelques jours, mais dites-vous que c'est quand même extrêmement agréable à lire et il y en a qui ont vraiment pas mal d'imagination. OK. OK? Donc, on prend ça avec un grain de sel. C'est tout du pas vrai. Ben non, il va en avoir des vrais à un moment OK. donné. On va quand même parler. On n'est pas si cave, mais. Mais il y en a quand même une qui m'a bien fait sourire ce matin. OK. Et c'est la nouvelle série de compétitions qui mettent à profit la Nissan Micra. Mais attention, on parle du trophée Nissan Micra Warrior. Alors, OK. bon, tu te rappelles de la Warrior qu'on a vue récemment? On l'avait présentée au Salon de l'Auto de Montréal. C'est Ouais. le Rogue Warrior qu'on avait monté sur des chenilles. Ouais. Bon, alors donc, là, Nissan nous annonce ce matin qu'on va nous présenter la Nissan Micra Warrior qui va avoir lieu la fin de semaine du 30 décembre au 1er janvier. On va faire une course avec des Nissan Micra montés sur des chenilles de cette façon-là. Écoute, évidemment, là, ils n'ont pas confirmé que c'est un poisson d'avril, mais on s'entend-tu pour dire que Y a des bonnes chances. y a des bonnes chances, hein? Ouais. Est-ce que j'ai pas vu la nouvelle? Y a-t-il une photo d'une Micra montée sur des chenilles et tout ça? Il y a une photo d'une Micra montée sur des chenilles et on s'amuse en nous disant, par exemple, que c'est le cascadeur Jacques Dehaye qui va assurer tout ça, cascadeur de renommée internationale, mais évidemment, on aura compris que c'est le nom de Jacques Dehaye qui est Ouais. le promoteur de la Coupe Micra au Québec. Bref, on s'amuse à nos dépens. Bravo, Nissan, vous avez bien tenté. Malheureusement, on est plus brillant que vous autres. On a réussi à s'en sortir sans se faire avoir. Il y a quand même d'autres poissons d'avril qui ont circulé un peu partout au travers le monde. J'en ai mis quelques-uns sur Ecolo Auto. Il y en a que j'ai trouvé très drôles. Entre autres, une mini hipster. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté une mini hatchback. Qui est doté d'équipements que les hipsters apprécient, genre un lecteur cassette double, Ah oui, ben oui. un intérieur en tissu de jeans délavé sur pierre, Ouais. et des fenêtres que quand tu regardes au travers, tu peux ajuster le filtre Instagram. Ah. OK. Et pour faire comme les vélos des hipsters, parce que la grosse mode en vélo maintenant, c'est d'avoir des vélos à pignon fixe, t'sais, avec une seule vitesse. Ben, on a fait la même chose avec la Mini. On l'a donc dotée d'une transmission à pignon fixe. Bon, ça va bien aller. Le moteur devrait tourner à 8 000 tours minute tout le temps. C'est ça, mais c'est pas grave, C'est c'est ça. les hipsters, ils roulent juste sur le plateau Mont-Royal. Ouais. C'est 40 km/h le maximum. Bon. Il y a le Lexus aussi, tu sais, on sait que Lexus, ils ont des voitures de plus en plus sportives. Alors, ils ont décidé de nous offrir un siège qui s'appelle le V Elcro. C'est bien sûr un siège en velcro que l'on a annoncé, qui était supposément capable de retenir quelques 15 livres au pouce carré. Évidemment, encore une fois, là, c'est une niaiserie. Ça doit être Et il y a le... sécuritaire dans un accident, par exemple. Si tu restes collé à ton siège, tu peux pas passer à travers le. Oui, mais par contre, quand tu conduis de façon dynamique, tu es capable aussi d'avoir un bon support. Le problème, c'est que je serais curieux de te voir sortir, essayer de t'extirper le plus fort possible de là. Ça risque d'être assez drôle. Ça te prend un change de linge à chaque fois que tu débarques de ton auto parce que ton linge reste accroché après le bain. Ouais. Exactement. Faut dire aussi que les poissons d'avril, écoute, il n'y a pas juste cette année qu'il y en a. Il y en a eu l'an passé aussi qui m'avait bien fait rigoler. Chez Nissan, encore eux autres, ils nous avaient présenté un bouton Jim. OK. Alors, quand tu pèses dessus, ça désactive le power steering, ça désactive les freins et ça rend la transmission plus difficile. Donc, tu es obligé d'utiliser tes muscles pour conduire la voiture. Ça te permet donc de faire ton entraînement en même temps que tu conduis. On dit que si tu choisis la voiture manuelle avec l'option gym, tu peux brûler jusqu'à 1400 calories par jour. Mais il aurait fallu qu'il enlève le moteur puis qu'il rouvre des trappes dans le plancher, puis on aurait pu pierre à feuter l'auto. Exactement, c'est ça. Et on serait devenus les Flintstones. Et enfin, le dernier dont je voulais vous parler, parce que moi, il m'a bien fait rigoler, c'était l'an passé. C'est Mercedes-Benz qui nous a présenté le Sprinter AMG. Donc, on parlait d'un V8 biturbo de 500 chevaux avec un ensemble aérodynamique et tout. Bon, la seule question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il vraiment quelqu'un qui va vouloir payer les prix d'essence d'un sprinter de cette nature-là? Mais en tout cas, c'était une belle tentative, il faut certainement le dire. Oui, mais ça pourrait peut-être aider Amazon à pouvoir faire la livraison le même jour partout au Canada. Ah, écoute, oui, sauf que rendu là, d'après moi, tes coûts de livraison seraient peut-être un peu plus élevés que ce que tu pensais. Ouais, mais tout le monde veut toujours tout aujourd'hui ou hier, donc je veux dire, des fois, il y en a qui seraient prêts à payer. Ah, sûrement, ça, écoute, moi je pense que c'est quelque chose qu'on va éventuellement voir, des véhicules de livraison comme celle-là, mais en même temps, j'ai un petit doute, là, honnêtement, sur cet élément-là. C'est drôle, je sais pas. Je connais pas grand monde, moi, qui serait prêt à payer pour du 24 litres au 100 pour un véhicule de livraison qui peut en faire 8, là. Ouais, peut-être pas. C'est un fait. Dans la série des vraies nouvelles, et là on tombe dans les vraies, vraies nouvelles, là, ce n'est plus un poisson d'avril, BMW a annoncé il y a quelques jours qu'il était pour présenter un X7. Le X7, évidemment, tu auras compris, c'est un gros utilitaire sport, le plus gros basé sur la BMW série 7. C'est celui qui devrait être le plus imposant. Sauf qu'on affirme maintenant que non seulement on va faire un X7 pour le monde ordinaire, mais on va en faire une version de grand luxe. On Pour n'a le pas monde donné. extraordinaire. Ouais, ben on n'a pas donné exactement quelles étaient les différences, OK. mais c'est qu'on sait que il y a quelques jours, Rolls-Royce a annoncé qu'il était pour sortir. Ben, il y a quelques mois, ils ont annoncé que Rolls-Royce était pour sortir un utilitaire sport. Et Mercedes-Benz a annoncé qu'il était pour sortir une version Mercedes-Benz GLS, mais en version Maybach. OK, ouais. Donc, là, on parle de quelque chose qui vaut vraiment 300 000 $. Alors, BMW a décidé de ne pas se faire damer le pion. Et ils ont choisi donc d'arriver avec un X7 grand luxe qui devrait aussi être offert au cours des prochains mois. Mais la vraie nouvelle chez BMW, c'est pas le X7 parce qu'évidemment, toi et moi, on n'a pas les moyens de se payer ça. Ouais, c'est ça, C'est tu dis plutôt... pour le monde ordinaire, là. Ça pourrait pas déjà être plus qu'ordinaire pour se payer un BMW série 7 puis un X7. C'est ça. Mais Ouais. là, par contre, BMW a annoncé la venue d'un X2. OK. Et ça, c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce que le X2, évidemment, c'est l'équivalent du X1, mais en version coupée. Donc ça risque d'être quelque chose qui va vraiment faire le bonheur des gens, je te dirais, plus... mettons qu'ils ont des budgets un peu comme moi, là, des budgets un peu plus modestes, parce qu'évidemment, là, on s'entend pour dire que c'est quelque chose qui va quand même être aux alentours de 40 000 $-45 000, mais c'est quand même quelque chose qui vaut la peine d'être considéré. On va rester dans l'aspect luxe un peu, Mais c'est quand même intéressant. Actuellement, se déroule à Québec, aux Galeries de la Capitale, et un peu plus tard cet été, au mois de juin, ce sera au centre Fairview Pointe-Claire, je pense. Il y a un kiosque qui s'appelle le Porsche E-Performance. OK. Alors, sur place, Porsche présente ses véhicules hybrides, sa Panamera, son Cayenne plutôt, SEI et hybride, là, donc la version hybride. Et ils ont aussi une reproduction de la 919 hybride qui a couru et qui a gagné aux 24 heures du Mans. Et sur place, il y a des gens qui sont là surtout pour répondre aux questions et pour présenter tout ce que Porsche veut faire en matière de voiture, je dirais. Pas électrique parce qu'ils sont pas, à part la mission E là, qui va être 100% électrique, ils sont pas rendus là encore. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais ils sont là pour présenter leur nouvelle technologie. C'est accessible aux gens quand le centre d'achat est ouvert. Donc, c'est une belle façon de rentrer en contact avec la technologie Porsche. Et honnêtement, d'aller voir la 919 hybride quand même, qui est un méchant monstre. Ça, c'est assez incroyable. Ça va pas être quelque chose que tu peux voir à tous les jours, donc ça vaut peut-être la peine d'aller faire un petit tour. Mais comme je dis, ils vont être à Montréal au cours des prochains mois, mais ils sont actuellement à Québec jusqu'à la fin du mois d'avril. Bon, c'est bon. Et une autre petite nouvelle dans le monde électrique. Hey, tu passes-tu ça à balayeuse des fois, toi? Ouais, normalement une fois par semaine au moins, ouais. Tu connais Dyson, donc. Oui, je connais D'accord. Dyson. Bon, mais écoute, la compagnie Dyson est en train de penser à créer une voiture électrique Bon. basée sur les mêmes types de motorisation et de batterie qu'ils utilisent pour leur petite balayeuse. Ils ont acheté l'année passée une compagnie qui s'appelle Sakki 3 pour la somme de 90 millions de dollars. C'est la compagnie qui fait entre autres déjà les batteries pour les balayeuses. Or, ils ont procédé à l'embauche de quelques 500 ingénieurs au cours des dernières semaines. L'idée, c'est qu'ils veulent développer une voiture basée exactement sur leur même type de motorisation électrique qu'ils ont dans les balayeuses. Bon, ça va-tu nettoyer la route en même temps pendant que tu vas rouler? Fait Ouais, que... c'est ça, ils n'en ont pas parlé, par OK, exemple. ce serait Ce pas qui est pire. quand même intéressant et ce qui me fait dire que c'est assez sérieux, c'est que, ils ont reçu une subvention de 325 millions de dollars du gouvernement britannique, bien sûr, parce que c'est Sir James Dyson est un homme ennobli par la reine. Ben, écoute, ils ont reçu une subvention de 325 millions de dollars pour l'embauche des gens. Alors, ça devrait déjà donner une bonne indication de ce qui s'en vient du côté de Dyson et du côté de ce qui pourrait être la prochaine voiture électrique. Bon, tout le monde va avoir des voitures électriques. Apple qui veut embarquer là-dedans, selon les rumeurs, Dyson, tu vas tout. Mais vite, Google, va juste avoir trop d'auto. mais il y a une compagnie qui ne veut pas faire de voiture électrique, et ça m'a bien fait rire. C'est le président de Mazda Europe, qui a, dans une entrevue avec un journal européen, a annoncé que lui, il n'en voulait pas de voiture électrique, qu'il n'y avait pas besoin de ça, que le Skyactiv, c'était amplement suffisant pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs de réduction de consommation pour atteindre les cibles dictées là, par le CAFE puis les différentes normes internationales. Alors, au cours des prochaines années, n'attendez pas de Mazda électrique, il n'y en aura pas. Tout au plus, peut-être une hybride, mais encore une fois, selon le président de Mazda Europe, ça ne fait pas partie des considérations. On va plutôt se tourner vers une voiture sport écologiquement intéressante avec le Skyactiv. Moi, je sais pas parce qu'il y a Mazda et Toyota ont signé une entente, c'est-tu l'année passée ou il y a 2 ans pour partage de technologie, puis Mazda est intéressé à la technologie hybride de Toyota, puis Toyota est intéressé à la technologie Skyactiv. Fait que je vois pas pourquoi qu'à un moment donné, il n'y aurait pas une hybride chez Mazda, là, parce que sinon ça enlève un peu le but de faire cette transaction-là ou de faire cette entente-là, mais bon, on verra dans le futur, là. Mais écoute, les ententes entre Toyota et Mazda sont quand même importantes. Rappelle-toi Oh oui. qu'actuellement, la Toyota Yaris berline est en fait une Mazda 2, là. Ouais, Mazda 2 qu'on n'aura pas ici. Exactement. Ouais. Donc, il y a déjà des ententes à ce niveau-là, mais le monsieur en Europe dit non, nous, on n'en veut pas d'hybride. Alors, on verra ce que ça va donner, mon cher. Ouais, mais l'important, c'est pas le monsieur nécessairement en Europe, c'est le monsieur au Japon. C'est Ouais. probablement lui qui décide au bout de la ligne. Ouais, mais je pense que si tu es président de Mazda Europe, tu dois avoir un petit mot à dire pareil. Peut-être. Bon, ben, c'est-tu tout, Marc? On termine-tu C'est tout, là-dessus? mon cher. Il y a toujours plein de nouvelles, mais on va s'arrêter là-dessus. Ça va mettre fin à notre émission pour cette semaine, mon cher. Et les gens peuvent nous écrire pour nous poser des questions. Ils peuvent nous rejoindre. Moi, ils ne peuvent pas rejoindre sur Facebook, bien sûr, ou sur tous les sites de Netmédia 360, là, écoloauto.com, VUSMag.com, autoauféminin.com et luxurycarmagazine.com. Et bien sûr, on a une adresse courriel que tu vas te faire un plaisir de donner, mon cher Luc. Oui, vous pouvez nous écrire à info@saroulradio.com. Là, soyez gentils, hein, si vous voulez envoyer des bêtises à Marc pour sa position sur Tesla. S'il vous plaît, soyez polis parce que mes yeux vont aussi voir ces courriels et j'aimerais que mes yeux demeurent intacts. Donc, tu sais, restez quand même polis. Ça serait très, très, très agréable. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter à Ça Roule Radio. On a un compte Facebook aussi, Ça Roule Radio. Vous pouvez venir nous écrire là, communiquer avec nous. Personnellement, vous pouvez me trouver sur Twitter à Scalazormo. Vous pouvez aussi me lire sur le blog automobile de Kijiji, qui est frkijijiblog.ca dans la section véhicules. Puis on a le site aussi qui est Ça Roule Radio, où vous pouvez trouver ben, toutes les émissions et aussi les anciennes émissions dans le temps que ça s'appelait Podcast Auto. Si vous cherchez, là, il y a toutes ces émissions-là qui sont disponibles sur le site. Donc, si vous voulez nous entendre, nous écrire, vous pouvez faire ça comme ça. Et puis là-dessus, ben, je vous remercie d'avoir écouté cette autre émission. La semaine prochaine, on reparlera de la Tesla 3 avec Martin Archambault qui viendra nous parler de ça et peut-être de d'autres nouvelles dans le monde de la voiture électrique. En attendant, je vous dis encore merci et à la semaine prochaine. Merci Marc. On se parle. Merci mon cher, à la semaine prochaine. Bye tout le monde.